kweti. Una bi talk say una bi Thomas, no be una don hear. Jesus Christ be can language we do. For last year them cast here them only leave for city. So the popo e confess Pierre Petro e deny treat them say no sabi. I don't language una say una look up. Kanka rapaz de non flow from boko de wan fe una. Una say na lie. Jigama don tumuna. Una mosi mengi. Yes, sans aucun procès. Una don decrete say una mosi boni mi anafunge. Because I don't deny say people where they think that's their own situation, they know must send una for it's a more for tiger. So then that my own can complice ancien bang massa for sa for douche. Alias rédacteur en chef for letter ouvert and an interview scoop the shop. Where you don't come for last her. And I don't niggas escrow avocat and fonceur for coordination de zoazoa. Alias correspondant permanent bénévole for radio and a journal privé. Where you do you go nyong smotam? Yes. Dans tout ten ten, they don't go make cancan conference de presse on my skin. They don't want sacrifier me. They don't make like a Pierre Petro. Seigneur, excuse-les, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Yes, répète, tous idées. Le bienfait est toujours récompensé ainsi. Woussa Mahatma Gandhi idée. Comme Diego Maradona, comme Mike Tyson, la mafia a frappé Nigaman. Heureusement sans succès. Voilà. Banana way Igoret. Il fit un coup cancer pour une sage oiseau. Igoret dans son. La politique est un jeu sans règlement qui se joue toujours aller et retour. Mano poum. Mano chef fou. Il y a match. Nama on un pour moto 10. Ichakala, ichakala. Un. Abarde, abarde. Mbombo. Fais people dans notre politique pour faire comme beaucoup. Il jump small et que man compte dans ton Libéria à Sarajevo. Fossika au bancalan à la tombe à Kata. Yes. Conférence nationale souveraine en sans objet. D'un homme mec man compte, mais pour des noms appelés. Massa Paul en a eu ancien complice d'un homme qui t'a par la pala. L'acheté dit comment ça va ça. Et comme il n'y a pas de commandant dans un bateau, grand homme de caisse. Yes. Pablo non comme grand frère pour Opaï. Comme dans la jungle. La raison du plus fort étant toujours la meilleure. Diberi boy un bon mécanon chicoté son daï ancien complice voit la bébé mi ma voix au bâton red sans cacher mon folasse. Carton jaune à Pablo, ça c'est pas réglementaire, le code. Benjamin Chimpanzé, alias Wake, Weti aéroport font si malin foyer en aï chantage et dos. Tchouke Chacal, alias Johnny One Foot, Weti myopie avancé en a la mauvaise expression. Massa Pius Njangi, alias les millions de mamans germaines à Dakar, en a le mensonger. Weti son Hollando, tu presses des notes de track en a Laila Gongosa News pour faire pour upside. Jessino, oh madame ton king comme from Boko. Soutoune du frère, Zouazoua du bon congrès, Lacrymogène Ismail, Nikiana Panthère de l'Ijumdoum Sabasa. Gengengen di hala for all sector. My complice don weapon job. Someone hand on a foot don cut. Other one I don look. Sauveteur, chargeur, bayam selam, pousseur, tacleur. Sept dames a resté d'un faux circuit. All them don calé with moi sans bolo. Conférence nationale ou nova siam. Sem nova comment foyer sa patente for taxi. Admission fiscal ou nova ya ismel sep. Commandant opérationnel pour plan nation l'oignon. And the other way, il don raqueter en un carton rouge. Lui, c'est ma sapo, mon sigo. Mais en attendant, naïs c'est blanc par où ça va. Un habitant ou n'a c'est naïf, mais des hambours d'un politicien. Est-ce que un habitant ou n'a c'est d'un cancan kenge de l'église ou de onyama? De notre esprit, vous faut tripartite rapidement, un aimant fort dans le sosombo. N'habitant le directoire de la coordination des bandas dans Tchakala. Conférence nationale, où que tu es alors. Dembitok c'est zéro conférence, zéro élection. Mia de one dans cette question, all them de one go make élection présidentielle en élection municipale. Toto Gouman d'indicaculé Mbourou et Grand Pablo Gossab en fossa qu'à pour élection. Où well, est-ce que il y a d'em? Si ce n'est pas le bep, est-ce que pas pendant Zamzam d'invitana pendant conférence? Kanka ancien toiteur d'un flanc pour des mineaux. Pourquoi élection législative ou des bingues, faut que mec en français ou conseiller dans conférence, d'MC, pied mort. Jessino, pas dans des dossiers plan d'action d'un flanc pour un sans débat. cerceau. Sans mes chibines, les sociaux qui embrassent. Fais quoi, il y aura. Fais quoi, il y aura. Non, bilai, même dans le akorosu, il y aura. Aman, dans toutes ces situations, font beaucoup à moi si changer. Yes, il m'a aussi changé. But est-ce que dans la force qui a sauvé, dans la sociaux m'a compris, de moi si même font nothing? Ah non. We not go come up for inside frappant, we go for inside fire. One day, situation must change. Yes, it must change. But dans le easy mola. En tout cas, any man where you want thing na boubou, for say go go calé for maison de marbre pour étudier. Better than what you want. If you like, you go be mama sa Paul, then change pour le point. Man where don't all I want to take place. Not be said that go be kissing in janga for other people, for say they go men for hold. Before they will come calé easy and their own janga. Then we don't put fire for my tango club. Then go burn the witch again.